Il y avait conférence de presse hier à Alma, à la Maison des Jeux du Québec, où on a annoncé qu'on avait besoin de 3000 bénévoles pour les Jeux du Québec qui seront présentés du 24 février au 4 mars 2017. Et pour en parler, on parle avec le directeur adjoint aux ressources humaines, Michel Simard. Bonjour, Michel. Bonjour, Danny. Michel, si on parlait maintenant de 3000 bénévoles, vous avez 4 mois pour trouver ça, 5 mois pour trouver ça. Comment on va faire du côté des Jeux du Québec pour trouver 3000 bénévoles? Oui, en fait, il ne faut pas le voir de cette façon-là aussi limité à l'espace de 4 mois. Ouais. En fait, l'organisation des Jeux du Québec est en place depuis quand même tout près d'un an. Okay. Mais auparavant, il y avait eu une grande campagne de mobilisation à l'automne 2014 lors de l'inscription de la ville d'Alma pour les Jeux du Québec. Il y avait eu tout près de 3000 personnes qui avaient donné leur intention de devenir bénévole si Alma obtenait la finale. Et effectivement, ça a été un élément déterminant dans la décision de Sport Québec d'accorder la finale à Ville d'Alma, considérant la mobilisation importante. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là n'ont pas été mis de côté. Ces gens-là ont été accompagnés depuis ce temps-là. Il y a eu, en fait, des contacts téléphoniques. Il y avait, en fait, beaucoup de structures qui ont été mises en place pour s'assurer que ces gens-là nous suivraient jusqu'à la finale, jusqu'au 24 février 2017 au début de la cérémonie d'ouverture. OK. Donc, effectivement, là, oui, on est en mesure actuellement de vous dire que notre organisation est bien structurée pour finaliser notre campagne de recrutement bénévole dont on a donné le grand coup d'envoi hier soir. OK. Michel, c'est sûr que ça fait 15 ans, il s'est coulé beaucoup d'eau dans la rivière depuis 15 ans, mais vous l'avez eu en 1999. Est-ce qu'il y a quand même une liste, il y a quand même des noms marqués, il y a quand même des archives de ces Jeux du Québec-là? Est-ce que ça vous fait déjà une bonne banque, j'imagine? C'est sûr qu'il y a eu des décès, il y a eu des départs, oui. Mais ça fait quand même une bonne banque, là? Oui, mais et ça, cette expertise-là qu'on a dans le milieu ici à Matois, en fait, nous a permis d'abord de mettre la base de notre organisation. Okay. Et il faut dire qu'il y a tout près de 250 personnes qui sont à l'œuvre actuellement dans différents secteurs de l'organisation pour mettre en place cette structure-là. On les appelle nos bénévoles permanents, ouais. Les gens qui sont impliqués depuis, en fait, le début de l'hiver, depuis le mois de janvier dernier, à mettre en place ces structures pour recevoir cette organisation ou ce groupe de bénévoles. En fait, nous, les employés comme tels, on est au service d'une grande quantité de bénévoles pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on a visés. Okay. Donc, effectivement, là, Alma a développé une belle expertise au niveau organisationnel et ça va se maintenir et ça va se propager avec la finale 2017 qui aura lieu en février prochain. OK. Dans quel domaine que vous avez le plus besoin? Bien, le service aux participants. En fait, il y a deux secteurs clés. D'abord, toute l'organisation sportive des 19 disciplines qui sont au programme nécessite à peu près l'appui de, je vous dirais, autour entre 700 et 800 bénévoles. Okay. Mais pour te dire un petit peu comment les choses se déroulent, c'est que cette organisation-là, chacun des sports a un répondant disciplinaire qui, lui, est à pied d'œuvre depuis le mois d'octobre 2015. Il a recruté autour de lui une quinzaine à une vingtaine de personnes selon les besoins de chaque organisation sportive. Et déjà, je pourrais dire que ces personnes-là sont ciblées. Il ne reste qu'à procéder à l'inscription en ligne via notre système de recrutement sur le web. Mais ça représente autour de 700 à 800 personnes qui sont actuellement là au travail au niveau des organisations, au niveau des disciplines sportives. OK. L'autre grand secteur qui nécessite le plus de bénévoles, c'est le service aux participants. Il y a 4 grands secteurs dans le service aux participants: l'alimentation, la santé, l'hébergement et le transport. OK. Donc, ces 4 secteurs-là demandent à peu près là, autour de 1000 bénévoles C'est la démarche vers quoi on se dirige actuellement. Et donc, tu vois, il y a autour de 1700 personnes qui occupent deux grands espaces au niveau de l'organisation. Par la suite, on va parler du village des Jeux, de place des Jeux, on va parler de services de ressources humaines. Le service de communication n'est pas négligé parce qu'il il a une grande place dans le succès d'une organisation comme celle-ci. Autour de 300 personnes graviteront autour du service de communication. Ouais. Donc, c'est un petit peu grossièrement là, les principaux besoins là, qu'on aura au niveau du bénévolat. Okay. Mais je vous dirigerai là, plus spécifiquement vers notre site en ligne qui va vous préciser un petit peu plus les différents services et les différentes tâches que les gens peuvent occuper. Okay. Et ça, là, c'est nouveau au niveau des Jeux du Québec, au niveau de Sport Québec. L'inscription en ligne, c'est tout récent. Processus a été mis en place avec la finale à Montréal. Et on est vraiment l'organisation qui testera le logiciel de fond en comble pour inscrire nos bénévoles. Okay. Donc, pour les auditeurs, j'aimerais peut-être donner le lien. Oui, vas-y. Facile. On va sur Jeux du Québec Allemand 2017. OK. OK, donc www.jeuxduquebec.com Allemand 2017. Et sur la page d'accueil, vous allez voir un petit article « Devenir bénévole ». Vous cliquez là-dessus et vous vous rendez directement sur notre formulaire d'accueil, notre formulaire d'inscription. Okay. Procédez, vous nous envoyez le formulaire d'inscription et par la suite, les gens pourront procéder, parce que ça, c'est maintenant aussi obligatoire, vérification des antécédents judiciaires. Ben oui, c'est important aussi. Donc, là. C'est l'étape obligée, parce qu'on traite avec une clientèle vulnérable de jeunes de 12 à 17 ans. Ben oui. Donc, c'est l'étape qui est obligatoire aussi. Mais ça peut se faire en ligne. Et on est avec une entreprise qui s'appelle Sterling Bike Check qui a une entente avec Sport Québec et une entente avec nous pour réaliser cette étape-là. Déjà aujourd'hui, nous avons vu comment ça se dirigeait et plusieurs personnes ont commencé à s'inscrire en ligne et ça va super bien. OK. Quand on parle de 3000 bénévoles, est-ce que c'est un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Là? J'imagine que vous ne recruterez pas rien que dans la région d'Alma. Ici, à Dolbeau, vous allez certainement venir voir un peu de ce côté-là. Saint-Félicien, Robertval. En fait, c'est des jeux qui ne touchent pas rien qu'à Alma, mais ça va toucher un peu l'ensemble de la région, là. Écoute, d'abord, les Jeux du Québec, quand les Jeux de les délégations arriveront dans la région, il n'y aura pas assez de place à Alma pour héberger ce monde-là. L'organisation héberge les athlètes, les officiels, les missionnaires et les accompagnateurs. Donc, l'organisation héberge dans les écoles ses principales catégories. Mais tous les visiteurs, OK, doivent héberger dans les hôtels, dans les gîtes ou ainsi de suite. Et c'est sûr que la région accueillera une grande quantité de personnes à compter du 24 février prochain. Je pense que c'est important le nombre de personnes. Les retombées économiques sont estimées à autour de 12 millions de dollars. Okay. Donc, c'est une activité majeure qui se déroulera dans la région, à Alma particulièrement, donc lors de 52e finale. Vraiment, là, et des bénévoles, il y en a de partout qui s'inscrivent. Ouais. On a Saguenay, et lors des Jeux de Saguenay, il y a beaucoup de gens d'Alma qui se sont déplacés vers Saguenay. Mm. Lors des Jeux d'Alma, il y a plusieurs personnes de Saguenay qui se déplaceront vers Alma. Ouais. Et donc, on a commencé à recevoir ces inscriptions-là. Et ça va se poursuivre jusqu'en février prochain. OK. Comment ça va maintenant, les Jeux? On est à 5 mois. J'imagine que du côté de la construction, du site, du côté des embauches de personnel, j'imagine qu'il y en a plusieurs, du côté des commanditaires aussi, c'est 3 questions dans une, autrement dit, là. Comment ça va tout ça? D'abord, au niveau des sites, il y a un site